Chapitre deuxième. Je ne me rappelle plus rien de ce qui arriva dans cette épouvantable nuit. J'ai comme un vague souvenir d'avoir vu, en rouvrant les yeux, un million de lumières qui peu à peu s'évanouirent, pour se réduire en une seule, portée par Lucie, qui se tenait auprès de lui sur lesquelles j'étais étendu. Ma tante, enveloppée dans sa robe de chambre, se tenait à la tête de ma couche. Mon visage et mes cheveux étaient inondés par l'eau et le vinaigre qu'on avait jeté sur moi, et je pus entendre Lorenz, dans le corridor, en dehors de ma porte, demander à plusieurs reprises « Est-elle mieux ? Est-elle tout à fait revenue à elle ?» Mais c'est à peine si j'avais conscience de tout cela. Mon front paraissait écrasé sous un poids de fer, et mes mains semblaient être rivées derrière ma tête qu'elle soutenait sur l'oreiller. Je n'étais pas plus capable de la soulever que je n'aurais été capable de soulever un poids de 1000 kilogrammes. Je ne pouvais que regarder fixement Lucie, avec des yeux stupides et tristes. Son visage était fort pâle, et je souhaitais intérieurement qu'elle et ma tante s'éloignassent pour me laisser seul. Je crois que j'eus la fièvre et mal à la tête toute la nuit, repassant dans ma mémoire la scène de ma rencontre avec l'ombre de mon fiancé. Toutes les histoires que j'avais entendues raconter pouvaient donc être vraies. J'avais vu le fantôme de l'homme que j'aimais, son horrible image, formée peut-être d'air impalpable, et cependant aussi terriblement distincte aux yeux que si elle eût été formée de chair et de sang. Lucie était assise auprès de mon lit lorsque je me réveillais, après un court sommeil, qui avait succédé à une longue nuit de fièvre. Comme ce moment de repos m'avait fait du bien, comme l'évanouissement graduel de ces horribles visions et ce délire affreux se changeant en un sommeil sans rêve, furent délicieux. Lorsque je me réveillais, ma tête était encore douloureuse, et je me sentais brisé, comme si j'avais gardé le lit depuis une semaine. Mais mon cerveau était dégagé, et j'étais en état de songer tranquillement à ce qui était arrivé. « Lucie, dis-je, vous ne savez pas ce qui m'a effrayé et pourquoi je me suis évanoui ? Non, ma très chère, pas positivement. Mais vous ne pouvez rien en savoir, Lucie, vous n'étiez point avec moi. Lorsque j'entrais la nuit dernière dans cette chambre, vous n'avez point vu. » Je m'arrêtais, incapable de terminer ma phrase. « Je n'ai point vu qui ou quoi, chère Isabelle, l'ombre de votre frère Lorenz. » Je tremblais des pieds à la tête au seul souvenir de ma peur de la nuit précédente en disant cela. Et cependant, je fus capable d'observer le visage de Lucie, et je remarquai qu'elle devint d'une pâleur excessive. « L'ombre, Isabelle. » Elle bégaya, non comme si mes paroles l'eussent surprise, mais comme si elle se sentait obligée de me répondre. « Oui, Lucie, » dis-je en me soulevant sur mon oreiller, lui saisissant le poignet, « l'ombre de votre frère Lorenz, l'image vivante, pleine de vie et de mouvement de votre frère, chacun de ses traits, chacune des teintes de son teint, était représentée sur la figure du fantôme comme s'ils eussent été réfléchis par un miroir. » Ce n'était qu'une forme vaporeuse et transparente, mais aussi palpable que la vôtre en ce moment. Juste ciel, Lucie, je vous donne ma parole solennelle, que j'ai entendu le pas du fantôme dans la galerie aussi distinctement que j'ai souvent entendu le pas de Lorenz lui-même, le pas assuré d'un homme fort. Lucie restait assise pendant quelque temps, gardant un profond silence et regardant fixement devant elle, non pas moi mais la fenêtre à moitié ouverte, autour de laquelle les feuilles de lierre se balançaient et le paysage que l'on apercevait au-dessus des arbres du parc. Son profil était de mon côté, mais je pouvais voir à ses lèvres serrées et à ses yeux fixes qu'elle réfléchissait profondément. Peu de temps après, elle me dit, doucement et avec fermeté, sans tourner ses regards vers moi, « Il faut que vous soyez bien avertie, ma chère Isabelle, que ces illusions sont le fait des gens d'un tempérament nerveux. Vous êtes du nombre de ces organisations délicates. Vous vous êtes mise hier soir dans un état de surexcitation très grand, à cause de votre inquiétude pour Lorenz. Ayant l'esprit rempli de son image et de toute espèce de crainte à son sujet, qu'y a-t-il d'étonnant que vous ayez évoqué un objet tel que celui que vous pensez avoir vu la nuit dernière? Mais si palpable, Lucie, si distinct! Il est aussi facile au cerveau de se représenter une forme distincte qu'une qui ne l'est point. Accordez les illusions d'optique, fait reconnu par de nombreux témoins, et vous ne pourrez pas limiter la nature des illusions. Mais il faut que je vous envoie notre docteur, M. Harden, afin qu'il cause de cela avec vous. Il est aussi métaphysicien que médecin. est aussi capable de guérir votre maladie mentale que de calmer votre pouls accéléré par la fièvre. Lorenz est monté à cheval pour aller le chercher à York. Je pense qu'ils seront ici tous les deux dans un instant. Lucie, souvenez-vous qu'il ne faut jamais dire à Lorenz la cause de mon évanouissement d'hier soir. Jamais, Isabelle. J'allais justement vous faire la même recommandation. Il vaut beaucoup mieux qu'il n'en sache jamais rien. Beaucoup mieux car, Lucie, vous vous rappelez que dans toutes les histoires de revenants, les visions ou ressemblances des personnes vivantes sont un présage de mort pour cette personne. Cette pensée éveille toutes mes craintes. Mon Lorenz, mon bien-aimé, si quelque chose de malheureux lui arrivait... Allons, Isabelle, il faut que M. Harden vous parle. En attendant, vous allez prendre le déjeuner que Mme Porson vous apporte. Pendant ce temps, je vais à la bibliothèque vous chercher la démonologie de Sir Walter Scott. Vous trouverez dans ce livre plusieurs exemples d'illusions d'optique dont je vous ai parlé. La femme de charge arriva, affairée, portant un plateau avec mon déjeuner. Lorsqu'elle eut tout arrangé et élevé ma tête sur une pile d'oreillers, mit le plateau sur la table à côté de mon lit, elle se retourna pour parler à Lucie. « Oh, mademoiselle Lucie, dit-elle, ce pauvre James Beck est si affreusement désolé. Si vous vouliez seulement le voir et lui dire... » Lucie, d'un coup d'œil, lui imposa silence. Son regard était rapide, mais plein d'avertissements et de reproches. Je ne peux me rendre compte de la raison qu'il pouvait y avoir à faire un mystère du chagrin de James Beck. M. Harden, le chirurgien d'York, était le plus charmant des hommes. Il vint dans ma chambre avec Lucie. Par sa conversation pleine de gaieté, par son rire, il m'eut remonté le moral au bout d'un quart d'heure. Il parla de tant de maladies nerveuses, d'illusions d'optique, de fausses impressions relativement aux objets extérieurs, des désordres et de l'état anormal de l'organe de la vue, et d'autres infirmités, demi-mentales, demi-physiques, qu'il m'eut bientôt amené à croire tout ce qu'il disait. « J'apprends que vous êtes une écuyère accomplie, mademoiselle Morlaix, dit-il en se levant pour nous quitter, et comme la journée promet d'être belle, je vous recommande instamment une promenade à travers les bruyères, avec Wendale pour cavalier. Faites un somme jusqu'au lunch. Levez-vous à temps pour manger une côtelette de mouton et boire un verre d'ale. Promenez-vous à cheval pendant 2 heures au soleil cet après-midi. Dînez légèrement, couchez-vous de bonne heure, et je réponds que vous ne verrez plus de fantômes. Vous ne pouvez vous imaginer combien les indigestions occasionnent ces sortes de visions. Je suis sûr que si je voyais la carte de votre dîner d'hier, je découvrirais que le cuisinier de Lady Adela est responsable du fantôme et qu'il a fait sa première apparition parmi ses entrées. Personne ne peut s'étonner que les Allemands soient le peuple le plus visionnaire du monde lorsqu'on pense qu'ils mangent de la confiture de framboise avec du veau rôti. Je suivis les conseils du docteur à la lettre et à 3 heures de l'après-midi, Lorenz et moi nous galopions à travers les bruyères, dorées par les rayons du soleil de septembre. Comme toutes les personnes impressionnables, je fus bientôt remise de ma crise nerveuse, et lorsque je m'élançai à bas de mon cheval, devant le perron en pierre du château de Fernwood, j'avais presque totalement oublié mes terreurs de la nuit précédente. 15 jours après, ma tante et moi nous quittâmes le comté d'York pour Brighton, où Lorenz nous suivit à la hâte. Avant notre départ, j'avais tout employé pour engager Lucie à nous accompagner, mais ce fut en vain. Elle nous remercia de l'invitation, mais déclara qu'elle ne pouvait quitter Fernwood. Nous partîmes donc sans avoir pu la décider, comme je m'étais flatté de le faire à cause de la monotonie de sa vie solitaire, et sans avoir pu voir le malade, parent de M. Wendale, le mystérieux locataire de l'aile gauche du château. Dans les premiers jours de novembre, Lorenz reçut une lettre bordée de noir. Cette lettre était de Lucie qui lui apprenait la mort de son père. Le domestique de M. Wendale avait trouvé son maître assis sur son fauteuil, la tête renversée en arrière et un livre ouvert à ses pieds. Il était mort. Depuis longtemps, il souffrait d'une maladie de cœur. Mon fiancé m'écrivit de longues lettres du comté de York, me disant comment sa mère et sa sœur supportaient le coup qui les avait frappés si subitement. C'était un chagrin calme et résigné plutôt qu'une douleur bruyante qui régnait dans le cercle étroit de Fernwood. M. Wendale était malade depuis bien des années et n'était guère une société pour sa femme et sa fille. Sa mort, quoique subite, était attendue et sa perte ne fit point un grand vide dans cette paisible demeure. Lorenz resta à Fernwood pendant la semaine de Noël, mais il revint vers nous pour le premier de l'an et il fut convenu que nous retournerions à Fernwood au commencement de février afin de surveiller la restauration et les changements à faire dans le vieux château. Tout était prêt pour notre voyage lorsque le jour même fixé pour notre départ, Lorraine se présenta à Hounslow Square avec une lettre de sa mère qu'il venait de recevoir à l'instant. Lady Adela nous priait de reculer notre arrivée de quelques jours, car on avait décidé que l'on transporterait M. Thomas dans une petite maisonnette préparée pour lui auprès de York, avant le commencement des travaux à exécuter à Fernwood. La mort de son protecteur n'avait point laissé le malade dans le besoin, car par son testament, M. Wendale avait légué 200 livres sterling par an à Thomas Wendale. « Je ne souffrirai pas que notre départ soit différé d'une heure, » dit Lawrence avec impatience, en fourrant la lettre de Lady Adela dans sa poche. « Ma pauvre folle de mère et ma sœur sont réellement par trop absurdes au sujet de notre cousin au 4e ou 5e degré, Thomas Wendale. Qu'il quitte Fernwood ou qu'il reste, comme il plaira à sa garde ou à son médecin, mais je ne veux pas que ses dispositions gênent les miennes. Ainsi, mesdames, je serai tout prêt à vous escorter par le train de 11 heures. » Madame Trébor allégua qu'elle préférait reculer son départ, ainsi que le désirait Lady Adela. Mais le bouillon Lawrence ne voulut rien entendre, et par une sombre nuit du mois de février, nous montâmes l'avenue de Fernwood. En entrant, nous rencontrâmes M. Harden dans le vestibule. C'était presque un mauvais présage de nous voir reçus par le médecin de la famille, et Lorraine s'en fut un instant alarmée. « Ma mère, Lucie, » dit-il avec inquiétude, « elles vont bien, j'espère. »« Parfaitement bien. Je ne suis point venu pour leur donner mes soins. Je sors l'instant de chez M. Thomas. Va-t-il plus mal ? J'ai peur qu'il ne soit plus mal que d'habitude. » Notre réception fut froide, car Lucie et Lady Adela étaient évidemment embarrassées de notre arrivée inattendue. Leurs vêtements noirs, à demi couverts de crêpes, les livrées de deuil des domestiques, la place vide du maître, la triste saison d'hiver et la pluie battant incessamment sur les vitres des fenêtres donnaient un aspect encore plus triste à l'habitation et semblaient nous glacer jusqu'au cœur. Tous ceux qui, à une époque quelconque de leur vie, ont éprouvé une affliction que le temps lui-même n'a pu effacer et dont le poids est si lourd à supporter, qu'on se demande comment on a pu y résister, ceux-là seuls peuvent savoir combien il est difficile de limiter l'heure qui a précédé l'angoisse du moment où elle est arrivée. Je dis ceci de peur d'avoir été influencé par des souvenirs rétrospectifs dans la description des sombres et tristes nuages qui semblaient planer au-dessus du foyer autour duquel étaient rassemblés Lorenz, Lady Adela, ma tante et moi, le soir même de notre retour à Fernwood. Lucie nous avait quittés et lorsque son frère s'informa d'elle, Lady Adela répondit qu'elle était avec M. Thomas. Comme d'habitude, Lorenz s'emporta à cette réponse. Il lui semblait dur que sa sœur fût devenue une garde-malade attachée à cet homme. James Beck est parti pour York pour tout préparer pour M. Thomas, répondit Lady Adela, et le pauvre garçon n'a auprès de lui que sa garde. Le pauvre garçon. Je m'étonnais que Lady Adela et sa fille parlent sans cesse de M. Thomas comme d'un jeune homme. Le lendemain matin, de très bonne heure, Lorraine s'insista pour que ma tante et moi l'accompagnassions pour parcourir le château, afin de discuter sur les améliorations futures. J'ai déjà donné la description de la galerie qui s'étendait tout le long du bâtiment. À l'un de ses bouts se trouvaient les appartements de M. Thomas, et à l'autre ceux habités par Mme Trébor et moi. L'appartement de Lady Adela était tout auprès du logement du malade, celui de Lucie venait ensuite, puis la salle de billard, et s'ouvrant sur celle-ci la chambre et le cabinet de toilette de Lawrence. De l'autre côté de la galerie se trouvaient les chambres d'amis et celles des domestiques. De plus, un charmant boudoir réservé pour Lady Adela. Lorenz était de fort belle humeur, indiquant un changement par-ci, une amélioration par-là. Des fenêtres devaient être percées dans cet endroit, des portes ouvertes dans celui-ci, et nous rîmes beaucoup en voyant les notes qu'il avait prises au crayon et qu'il devait remettre à l'architecte, car nous nous aperçûmes qu'il fallait démolir en entier le vieux château pour le reconstruire à neuf. Nous avions visité tous les coins de l'habitation, à l'exception des appartements mystérieux de l'aile gauche. Lorraine s'arrêta un instant devant la porte capitonnée, mais après une seconde d'hésitation, il frappa pour être introduit. « Je n'ai jamais vu M. Thomas, et il est peut-être très inconvenant de demander à voir ses appartements pendant qu'il les occupe. mais l'urgence du motif me servira d'excuse. L'architecte sera ici demain, il faut que tous mes plans soient prêts à lui être soumis. » La double porte nous fut ouverte par Lucie, qui fit un bond en nous apercevant. « Que désirez-vous, Lawrence ? » dit-elle. « Voir les chambres de M. Thomas. Je ne le dérangerai pas, je n'ai qu'un coup d'œil à jeter dans l'appartement. » Je pus voir qu'il y avait une porte vitrée derrière celle où Lucie se trouvait placée. « Il ne vous est pas possible de voir les appartements aujourd'hui, Lawrence, » dit-elle rapidement. « M. Thomas part demain de très bonne heure. » Elle sortit dans la galerie en fermant derrière elle la double porte, mais lorsqu'elle la tira, j'entendis un son qui me glaça d'épouvante et me força à saisir avec force le bras de Lawrence. Le rire, le même rire strident que j'avais entendu sortir des lèvres de l'ombre de mon fiancé. « Lucie, dis-je, avez-vous entendu ? Quoi ? Le rire que j'ai entendu la nuit que... » Lawrence m'avait entouré de ses bras, alarmé de ma frayeur. Sa sœur se tenait un peu derrière lui. Elle mit son doigt sur ses lèvres en me regardant avec expression. « Vous devez vous tromper, Isabelle, » me dit-elle tranquillement. Il y avait donc un mystère concernant ce monsieur Thomas, un mystère qui, pour une raison particulière, devait être caché à Lawrence. Une demi-heure après cela, Lucie vint vers moi pendant que je cherchais un livre dans la bibliothèque. « Isabelle, » me dit-elle, « j'ai besoin de vous dire un mot. Oui, chère Lucie. Vous devez être ma sœur, et j'ai peut-être eu tort de vous cacher le secret qui a fait le malheur de mon père, de ma mère et le mien. Mais depuis l'enfant de Lawrence, il était convenu que le chagrin qui pesait sur nous lui serait épargné s'il était possible. Mon père aimait avec tant de passion son gentil et joyeux enfant qu'il reculait de jour en jour à lui révéler un secret qui était pour lui la source de tant de chagrin. Nous trouvâmes qu'avec des soins incessants et une continuelle surveillance, nous pouvions tout cacher à Lawrence, et jusqu'à présent, nous avons réussi. Mais il vaut peut-être mieux que vous sachiez tout, car vous nous aiderez à garder ce secret que Lawrence ignore, ou bien, s'il le faut absolument, vous pourrez plus tard le lui apprendre peu à peu, et le préparer à une douleur irrémédiable. Mais ce secret, cette douleur, concerne votre parent malade, Monsieur Thomas ? Oui, Isabelle. Je sais que les paroles qui devaient tout me révéler étaient sur ses lèvres tremblantes, que dans un instant elle allait parler et que j'aurais tout su. J'aurais tout appris en même temps, mais avant qu'elle eût eu le temps de proférer une syllabe, une domestique ouvrit la porte. « Oh, mademoiselle, s'il vous plaît, » dit-elle, « Madame Peters vous prie de monter à l'instant. » Madame Peters était la garde qui soignait M. Thomas. Lucie me serra la main. « Demain, ma chérie, demain, je vous dirai tout. » Elle sortit précipitamment de la chambre et je me laissai tomber sur une chaise auprès du feu, mon livre sur mes genoux, incapable de lire une ligne, incapable de penser, si ce n'est à un seul sujet, au secret que j'allais apprendre bientôt. Si elle eût parlé alors, quelques mots de plus et quels malheurs affreux auraient pu être évités. Je fus distraite de ma rêverie par Lawrence qui vint me provoquer pour une partie de billard. Comme j'invoquais la fatigue, il s'assit sur un tabouret à mes pieds et me proposa de faire une lecture. « Quelle lecture vous ferai-je, Isabelle ? Le Paradis perdu ? Martin Chuzzlewit, Byron, Shelley, Tennyson ? Tennyson nous convient de toute manière. La triste pluie par ce ciel sombre qui va les croiser et les bruyères dans cet horizon obscur sont tout à fait dans les corps de Tennyson. Lisez-moi Locksley Hall. » Sa voix grave et mélodieuse prononçait les vers sonores, mais j'entendais les sons sans comprendre. Je ne pouvais songer à rien qu'au mystère qui avait été si longtemps caché à mon insouciant fiancé. Lorsqu'il eut fini de lire le poème, il jeta le livre de côté et resta à me regarder avec attention. « Ma grave Isabelle, dit-il, à quoi pensez-vous donc ? » La haute flamme d'un immense feu de charbon de terre éclairait en plein son beau visage. J'essayai de me secouer, et posant ma main sur son front, je relevai ses cheveux blonds. En faisant cela, j'aperçus pour la première fois une cicatrice sur sa tempe gauche, une longue coupure paraissant faite par un couteau, mais qui datait de loin. « Mais, Lawrence, dis-je, vous m'avez dit n'avoir jamais fait de chute, et cependant vous avez une cicatrice qui en dénote une terrible. » Est-ce que cela vous est arrivé à la chasse ? Non, ma curieuse Isabelle, il ne faut point accuser un cheval de cet embellissement personnel. Je crois que cela m'arriva lorsque j'avais 2 ou 3 ans, mais je ne me rappelle pas exactement le fait, quoique j'ai un vague souvenir d'avoir porté un emplâtre et un bandage sur le front. Mais cela ressemble à une cicatrice provenant d'une coupure de couteau. Je suis peut-être tombé sur l'angle d'une marche en pierre ou sur un décrotoir en fer. Mon pauvre Lorenz, le coup aura pu vous tuer. Il prit un air sérieux. Savez-vous bien, Isabelle, me dit-il, qu'il est très difficile de ne point associer certains souvenirs d'enfance, que l'on se rappelle vaguement, avec des rêves qui sont presque aussi vagues. Il y a des jours où je m'imagine avoir reçu ce coup et que c'est un enfant qui m'a lancé un couteau à la tête. Un enfant, quel enfant ! Un enfant de mon âge et de ma taille. Était-il votre camarade ? Je ne puis le dire. Je me rappelle seulement de la circonstance du couteau jeté et de la sensation du sang chaud qui coulait sur mes yeux et m'aveuglait. Pouvez-vous vous rappeler où cela arriva ? Oui, dans la galerie en haut. Nous goûtâmes à 2 heures. Après le lunch, Lorenz entra dans sa chambre pour écrire quelques lettres. Lady Adela et ma tante lurent et travaillèrent dans le salon, tandis qu'assise devant le piano, je jouais quelques morceaux de Beethoven. Nous étions ainsi occupés lorsque Lucie entra dans le salon en toilette de promenade. « J'ai demandé la voiture, maman, » dit-elle. « Je vais à York voir si Beck a fait tout préparer. Je serai de retour pour dîner. » Lady Adela semblait s'affaiblir de jour en jour et en était arrivée à se reposer entièrement de toute occupation sur sa fille. « Je suis sûre que vous ferez pour le mieux, Lucie, » répondit-elle. « Enveloppez-vous bien, car il fait un froid excessif. »« Irai-je avec vous, Lucie ?» demandai-je. « Vous ? Oh, sous aucun prétexte, chère Isabelle. »« Que dirait Lorenz si je vous emmenais pour toute une après-midi ?» Elle s'échappa de la chambre et 2 minutes après, la lourde voiture s'éloigna. Mon motif en lui demandant de l'accompagner était tout personnel. Je croyais qu'il aurait pu reprendre la conversation interrompue le matin pendant le trajet. Si j'eusse été avec elle. Il est si difficile de nous soumettre aux immuables décrets de la Providence. Il est si difficile de courber la tête avec soumission devant ses ordres. Si difficile de ne pas regarder en arrière pour considérer les heures d'insouciance qui ont précédé le coup qui nous a frappés, et de calculer de quelle manière il eût pu être évité. Le noir crépuscule d'un jour de février s'épaississait. Ma tante et Lady Adela s'étaient endormies auprès du feu. Je sortis tout doucement de la chambre pour aller chercher un livre que j'avais laissé en haut. Il y avait plus de lumière dans l'antichambre et dans l'escalier que dans le salon. Mais la longue galerie se faisait sombre, les ombres se formaient autour des portraits des ancêtres de mon fiancé. Je m'arrêtai un instant au haut de l'escalier et je regardai dans la salle de billard. La porte était ouverte et je pus voir un filet de lumière s'échapper du cabinet de travail de Lorenz. J'entrai dans la chambre, j'essayai de trouver mon livre et je retournai dans la galerie. En quittant ma chambre, je vis que la porte verte était grande ouverte. Une invincible curiosité me poussa vers ces mystérieux appartements. Comme je m'approchais de l'escalier, je pus distinctement apercevoir la forme d'un homme debout auprès de la porte vitrée. Il était à l'intérieur. Le feu allumé dans la cheminée située derrière lui et qui éclairait la chambre faisait ressortir les lignes de son visage et son corps entier. Il n'y avait pas moyen de se tromper sur cette forme si connue, les épaules larges, la tête volumineuse et les boucles de cheveux frisés. C'était Lorenz, regardant au travers des vitres de la porte du malade. Il était donc entré dans ses appartements défendus. L'idée du mystère ayant rapport au malade et à Lorenz, et le désir exprimé par Lucie que ce mystère ne fût point connu de son frère, me revinrent à l'esprit, et je m'élançai vers la double porte. Lorsqu'il m'aperçut, il secoua avec impatience le loquet de la porte à l'intérieur. Elle était fermée, mais la clé était à l'extérieur. Il ne parla point, mais secoua la serrure, me faisant signe avec la tête de lui ouvrir la porte. Je tournai la clé, la porte s'ouvrait extérieurement, et je fus presque renversé par la violence avec laquelle il la poussa, en s'élançant dehors et en passant devant moi. « Lorenz, Lorenz, » dis-je, « que faites-vous ici et qui vous a enfermé ?» Il ne me répondit pas, mais suivit la galerie, examinant toutes les portes, jusqu'à ce qu'il fût arrivé vers la seule qui fut ouverte, celle de la salle de billard. Il entra dans cette salle. Je fus blessé de son impolitesse, mais j'y fis peu d'attention car j'étais sur le seuil de l'appartement du mystérieux malade, et je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil rapide dans la chambre, derrière la porte vitrée. C'était un vaste salon meublé très simplement. Un grand feu brûlait dans la grille, qui était entourée d'un garde-feu en cuivre le plus haut que j'eusse jamais vu. Il y avait un fauteuil auprès du garde-feu et sur le parquet à côté, un tas de livres d'enfants avec des images aux vives couleurs, dont quelques-unes étaient déchirées et mises en morceaux. Sur la cheminée, il y avait un pantin en bois, attaché par des ficelles, comme en ont les enfants. En face de l'endroit où j'étais, il y avait une autre porte qui était à moitié ouverte et dans laquelle je vis une chambre à coucher meublée de deux lits en fer placés l'un à côté de l'autre. Il n'y avait de rideaux ni au lit ni aux fenêtres de la pièce et celle-ci était protégée et garnie de barreaux en fer. Monsieur Thomas était peut-être un fou. La réclusion, les portes fermées, le feu, les fenêtres entourées, les lits sans rideaux, la surveillance continue de Lucie, de James Beck et de la garde, tout tendait à cette conclusion. L'appartement désert prouvait que le maniaque pouvait se promener dans l'ombre. Je me hâtais de retourner vers la galerie et me trouvai face à face avec Madame Peters, la garde, qui avait un plateau à thé à la main. « Sur ma parole, mademoiselle, s'écria-t-elle, comme vous m'avez fait peur, je vous jure, que faites-vous ici, et pourquoi avez-vous ouvert cette porte ?»« Pour faire sortir Monsieur Lawrence. »« Monsieur Lawrence !» s'écria-t-elle d'une voix remplie de terreur. « Oui, il était à l'intérieur de cette chambre, quelqu'un l'avait enfermé, je suppose, et il m'a prié de lui ouvrir. Oh, mademoiselle, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Aujourd'hui surtout que nous avons eu tant de mal avec lui, qu'avez-vous fait ?» Ce que j'avais fait. Je crus que la femme était folle elle-même d'après son agitation. Oh Dieu de miséricorde, j'entendis le rire moqueur et strident, le rire de la folie. Cette fois, il résonnait en longs et bruyants éclats, se répercutant dans toute la maison. « Oh, pour l'amour de Dieu » m'écriai-je, m'attachant à la gouvernante. « Dites-moi ce que c'est, dites-le-moi » Elle me repoussa violemment, et s'élançant au haut de la rampe de l'escalier, elle cria de toute sa force « André, Henri, apportez de la lumière !» Les deux domestiques arrivèrent, deux vieillards qui servaient dans la maison depuis 30 ou 40 ans. Ils arrivèrent avec des bougies et suivirent la garde dans la salle de billard. La porte de communication entre celle-ci et la chambre de Lawrence était toute grande ouverte, et sur le seuil, la lumière de l'intérieur l'éclairant, se tenait l'image vivante de mon fiancé, l'être que j'avais vu derrière la porte vitrée et que j'avais pris pour Lawrence lui-même. Son visage était contracté par un rire sinistre, et il prononça des mots inintelligibles lorsque nous l'approchâmes, des sons gutturaux horribles à entendre. Mais malgré ma frayeur et mon égarement, je pus remarquer que les poignets de sa chemise étaient tachés de sang. La garde le regarda sévèrement. Il s'échappa comme un enfant qui a peur et se blottit dans un coin de la salle de billard, tandis qu'il riait et grimaçait en regardant les taches de sang de son poignet. Nous nous précipitâmes dans le petit cabinet. Oh, horreur des horreurs! La table était renversée, l'encre, le papier, les plumes, tout était épars et bousculé sur le parquet, et au milieu de cette confusion, on voyait Lawrence étendu par terre, son sang coulait lentement avec un triste murmure d'une horrible blessure à la gorge. Un canif, avec lequel probablement il avait taillé des plumes, lorsqu'il avait été dérangé par son horrible visiteur, était parmi les papiers éteint de sang jusqu'aux manches. Lawrence avait été assassiné par son frère jumeau, qui était idiot. On fit une enquête. Je pus me rappeler à tout moment, à toute heure, les incidents de cette scène. La triste chambre dans laquelle était déposé le corps. Le sombre ciel de février. La voix monotone du magistrat et celle du médecin. Puis moi-même, ou plutôt une malheureuse créature, pâle, tremblante, aux lèvres livides, que je reconnaissais à peine pour être moi, faisant sa déposition. On reprocha à Lady Adela d'avoir gardé l'idiot à Fernwood, sans en avoir donné connaissance à Lawrence, mais on fit tout pour étouffer cette horrible histoire. Thomas Wendale fut jugé à York et transféré dans une maison d'aliénés jusqu'au bon plaisir de Sa Majesté. Son frère infortuné fut enterré tranquillement sous les caveaux de Wendale, dont le principal mausolée est dans l'église humide et pleine de mousse située aux portes de Fernwood. Voilà plus de 10 ans que ces événements se sont passés, et cependant l'horreur de cette soirée de février est aussi présente à mon esprit que le jour où je restais, non pas sans connaissance, mais terrifié d'horreur, étendu sur un sofa, écoutant les gémissements de sa malheureuse mère et de son infortunée sœur. Le chagrin me changea tout à coup de jeune fille en vieille femme, non pas que mes cheveux blanchirent, mais par la perte soudaine de tous mes sentiments de jeunesse qui se transformèrent en une monotonie triste et résignée. Ce changement dans mon caractère a amené Lucie à s'attacher à moi par un lien plus fort que celui d'une belle sœur. Lady Adela mourut 2 ans après le meurtre de son fils. Le domaine Fernwood, d'abord mis sous séquestre à cause du crime de l'idiot, fut restitué ensuite par la clémence royale. Il est passé entre les mains des héritiers légaux. Lucie vit avec moi dans l'île de Wight. Elle est mon soutien, ma protectrice, ma sœur aînée, sans laquelle je serais perdu, car je suis une créature sans force. Ce ne fut que plusieurs mois après le tranquille enterrement de Fernwood que Lucie me parla de la misérable créature cause de tant de malheurs. « L'idiotisme de mon malheureux frère, me dit-elle, fut causé par une chute qu'il fit des bras de sa nourrice et qui amena une perturbation fatale au cerveau. Les 2 enfants étaient bien jeunes alors et se ressemblaient tant que nous ne pouvions distinguer Lorenz de Thomas que par la couleur des rubans qui attachaient les manches de leur tablier blanc. Mon pauvre père souffrit beaucoup du malheur de son fils, tantôt renaissant à l'espoir à la suite de consultations d'hommes de l'art, tantôt retombant dans un affreux découragement. Ce fut l'immense chagrin qu'il endura, qui lui fit prendre le parti qui amena enfin cette fatale catastrophe. Il résolut de cacher le malheur de Thomas à son frère jumeau. Dès l'âge le plus tendre, le petit idiot fut placé dans les appartements qu'il occupa jusqu'au meurtre de son frère. James Beck et Lagarde, ayant tous de l'expérience des maladies mentales, furent engagés pour le soigner. Par le fait, les plus strictes précautions étaient nécessaires, car, à la première rencontre des 2 enfants, Thomas montra une animosité extraordinaire contre son frère et lui porta un coup de couteau dont Lorenz porta la marque jusqu'à la mort. Les médecins attribuèrent cette haine profonde à quelques mauvais sentiments prenant sa source dans la grande ressemblance existant entre les 2 enfants. Thomas s'élançait sur son frère, comme certains animaux sauvages se jettent sur leur image reproduite par une glace. Avec moi, dans ses accès les plus violents, il était comparativement plus docile. Mais la plus stricte surveillance était nécessaire, et le crime horrible que la misérable mais irresponsable créature commit enfin eût pu ne jamais arriver sans l'imprudente absence de James Beck et la mienne. Ainsi s'achève le mystère de Fernwood par Marie-Elisabeth Braddon.